Chapitre 20. Bataille. La chaleur avait été accablante. Dans l'air chargé d'électricité, roulaient de gros nuages noirs et roux. À 10 heures, au moment où les 400 se mettaient en chemin, un orage effroyable éclata. Le tonnerre se mit de la partie, grondant presque sans interruption. Des grêlons énormes tombèrent avec tant de violence qu'ils laissaient leur empreinte sur la pierre. Dans la ville assiégée, les sentinelles, accablées par la chaleur, avaient cherché un abri et s'étaient endormies. La nuit était trop profonde pour que les remparts ont pu rien distinguer. Le tonnerre faisait un tel fracas qu'il couvrait tous les bruits. L'orage venait donc en aide aux assaillants. Arrivés à la porte de la croix, un fossé de circonvallation arrêta un instant les 400. Mais le vent avait jeté bas tant d'arbres qu'on en eut bien vite roulé assez pour improviser un pont qui conduisit les épiscopaux à un premier rang de palissades établi au pied d'un bastion escarpé. Les jeter bas fut l'affaire d'un instant. La terre détrempée par l'averse rendait la besogne plus facile. Les échelles furent appliquées et la troupe franchit sans encombre le rempart. Les sentinelles achevèrent leur somme dans l'autre monde. Seul un nommé Bernard Schulten fut épargné. Il livra le mot d'ordre qui était ce soir-là dit « Erde ». La terre. La foudre venait de tomber sur une des poternes. Le poste de garde avait pris la fuite, abandonnant la place au tonnerre. Les 400 en profitèrent pour pénétrer dans Münster. C'est commode, allez, quand on a une ville à prendre, d'avoir pour auxiliaire la grêle, la nuit, le vent et la foudre. Les assaillants suivirent la rue de la Croix, traversèrent le cimetière d'Überwasser, franchirent le petit pont jeté sur la Haie et arrivèrent sur la place de la cathédrale. Là, une première escarmouche eut lieu. Les gardiens de l'arsenal y périrent tous et l'artillerie demeura au pouvoir des 400. Ceux-ci se rangèrent en bataille devant le dôme, déployèrent leurs drapeaux, chargèrent leurs pièces et, prêts au combat, entonnèrent un cantique catholique accompagné du roulement de leurs tambours. Je vous laisse à penser si les Münstériens furent surpris. Un cauchemar les attendait au réveil. Ils se levèrent en hâte, coururent aux armes, se rassemblèrent qui à droite, qui à gauche, puis, revenus de leur première stupeur, coururent à la place de la cathédrale. Une volée de leurs propres canons les y accueillit. Ils ne lâchèrent pas pied, cependant, parce qu'ils se disaient que, vaincus, on ne leur ferait pas quartier, et qu'il valait encore mieux tomber en se défendant. Le nombre des Münstériens allait toujours en grossissant, et les 400, qui n'étaient plus 400, hélas, durent se replier dans la rue Sainte-Marguerite. Ils y étaient si à l'étroit qu'ils avaient peine à se servir de leurs armes. C'était fait d'eux, lorsque Hensel eut une inspiration merveilleuse. La porte d'une maison fut forcée. Elle livra passage à 200 soldats que Wilkingstedding commandait. Ceux-ci débouchèrent sans bruit dans une rue adjacente. Pendant que Hensel, à la tête du reste de la troupe, faisaient bravement face à l'ennemi, ils tombèrent à l'improviste sur les anabaptistes. Croyant avoir le gros de l'armée épiscopale sur les reins, les renégats s'enfuirent en désordre, laissant sur le terrain un amas de morts et de mourants. La poterne par laquelle les 400 avaient passé et qu'ils avaient négligé de garder était barricadée et solidement gardée par les Münstériens. Les épiscopaux étaient donc prisonniers. Il fallait qu'ils s'emparassent de la ville ou qu'ils y mourussent tous. L'armée de François de Waldeck s'était approchée des murs. Les femmes du haut des remparts la criblaient de flèches et criaient en riant « Portez à l'évêque nos remerciements, il nous envoie ses meilleurs soldats, c'est vraiment prendre trop de soucis de nous être agréables, ils dormiront tous au frais sur nos pavés en attendant la fosse commune. » La lutte continuait sans trêve ni merci. Les 400 faisaient des prodiges. Jean de Leyde offrit d'entrer en pourparler. La petite troupe était lasse. Hensel Eck accepta. Les envoyés de Bockelsohn promirent aux assaillants qu'ils auraient la vie sauve s'ils se rendaient, livraient leurs armes et demandaient grâce à genoux. Ceux-ci offrirent à leur tour d'intercéder pour les Münstériens s'ils se rendaient à Merci. Ils s'engageaient presque à leur faire obtenir la potence sans torture. Pour prix d'une telle faveur, ils exigeaient que Jean de Leyde, Rothmann, Knipperdoling et tous les chefs fissent amende honorable, en chemise, les poings liés à genoux sur la place, et qu'ils se reconnussent infâmes, hérétiques, assassins, imposteurs et maudits. Il était difficile de mettre d'accord de telles prétentions. Hensel Eck, en faisant durer ses pourparlers, ne voulait que gagner du temps, afin de laisser à ses hommes le temps de reprendre des forces. À 11 heures du matin, le combat recommença, plus acharné encore qu'auparavant. Tout homme blessé était achevé sur place. Les meubles pleuvaient sur les assaillants. Ceux-ci les recevaient comme s'il se fût agi de flocons de neige. Il y eut bientôt plus d'hérétiques couchés que debout. Rothmann, désespéré, se jeta dans la mêlée et mourut criblé de balles. Ce fut le plus heureux. Les anabaptistes offrirent d'ouvrir aux combattants les portes de la ville. On leur répondit qu'ils n'étaient plus maîtres de les ouvrir ou de les fermer. Le massacre continua. Les anabaptistes offrirent d'abjurer. On leur répondit que c'était désormais affaire entre le Dieu juge et eux. Le massacre continua. Ils offrirent les richesses entassées dans le trésor royal. On leur répondit que ces trésors seraient pris en temps et lieu, qu'ils n'étaient plus maîtres d'en disposer. Et le massacre continua. Ce qui se passa alors est si extraordinaire que les historiens n'ont pas osé l'enregistrer.